Je te dirai adieu sur le corridor. J'y piche que j'ai pas mis d'or. Et si on sort les pions, c'est la corrida. Chizzy Bakouts comme un goïba. La centrale m'appelle, c'est la détention. On a la force sans la rétention. Donc tu sais qu'on réussit sans la prétention. Ma poussi cache les kilos, fait du land. On s'en fout ni loi pour protéger mon réseau. J'ai protégé mes raisons d'agir. J'ai protégé Madrid, j'ai protégé mon vaisseau. Et si je viens pour les pesos? Des soucis tout le temps. Y'a rien qui va changer ma vie. Un sourire de toi. Et je vais décrocher la lune. Tant pis si tu m'aimes pas. C'est qu'y'a plus rien à faire. Sirène, gyrophare. Me noter dans la banale. Comment c'est loin Paname. Elle veut que je l'emmène en balade chez Dolce Gabbana. La nuit je suis sous Havana. On produit, le four on le manage. Comment c'est loin Paname. Elle veut que je l'emmène en balade chez Dolce Gabbana. La nuit je suis sous Havana. Oh, et plus rien à péter. Plus rien à fêter. Depuis rien n'est pas, c'est feu dans les pensées. Depuis qu'on est blessé. Depuis qu'on est gosse. Avenue Montaigne. Et ma vie c'est Marseille. J'ai tout un gang vers les sous on sait. Et j'attends plus jamais rien de personne. J'fais comme si j'avais tout à partir. J'fais comme si j'allais jamais partir. Tu shit et des gosses hyperactifs. Elle nous colle quand elle entend les montants. Les haines m'ont dit ouais c'est ta faute. Tu mets ton cœur à découvert. J'ai traversé des flammes et des tempêtes. Et j'ai rien à leur prouver. Des soucis tout le temps. Mais rien qui va changer ma vie. Un sourire de toi. Et j'vais décrocher la lune. Tant pis si tu m'aimes pas. C'est qu'y'a plus rien à faire. Sirène, gyrophare. Me noter dans la banale. Comment c'est loin Paname. Elle veut que j'l'emmène en balade chez Dolce Gabbana. La nuit j'suis sous Havana. On produit, le four on le manage. Comment c'est loin Paname. Elle veut que j'l'emmène en balade chez Dolce Gabbana. La nuit j'suis sous Havana. Oh, dans l'enveloppe. Bien sûr qu'on sait comment faire. Les vicieux dans les environs. La jalousie c'est mauvais. Garantie le problème est bon. Pareil qu'à ma mère. Garantie si on met les gants. Y'a plus de marche arrière. Plus de marche arrière. Y'a plus de marche arrière.